Hace un par de vídeos, amado. Sí. Ay, ay, ay. J'attendrai pas demain. J'aimerais que toi tu fasses de même. Je vais te montrer le chemin et t'accompagner à tout jamais. Elle vient du pays de Neymar, elle danse la Macarena. Je lui fais des blagues, elle casse des bars. Elle sourit, je perds les pédales. Bébé, toi je dribble légèrement. Elle a beaucoup de prétendants. Pépita, tu crèves les dents. Je t'ai vu dans un film, dans un roman. Bésame, si bésame. C'est ma meuf, pas mon ami. Dis-moi non ou dis-moi oui. Fais-moi juste tourner la tête. Fais-moi juste tourner la tête.